Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a fait parler beaucoup ça a fait parler beaucoup le retour des Expos de Montréal cette semaine, évidemment, par la demande de Steven Brofman. On n'a pas la demande encore officielle, quoi qu'il en soit. Il suit le dossier de très, très près, depuis le jour A du retour, où ce qu'on a annoncé que les Expos pouvaient revenir. C'est Frédéric Daigle de la Presse canadienne. Salut, Fred. Salut, Danny. Fred, es-tu surpris vraiment des demandes on ne sait même pas les demandes encore. Je trouve que ça. Avec le recul, je trouve que ça a paniqué vite cette semaine. Quand on s'est massé. Hier, j'écoutais Michael Fortier hier aux amateurs de sport. Puis Michael Fortier dit, Gal, arrêtons de paniquer, on ne sait même pas ce qu'il demande encore. Ben exact. Ben, premièrement, moi, ce que j'ai trouvé rapide, c'est la réponse du gouvernement Legault. Parce que faut savoir, là, c'est lundi, il me semble. C'est Ouais, c'est lundi que lundi. on a appris une modification de l'inscription du groupe de Steven Bronfman au registre des lobbyistes. Alors, pour la première fois, il est inscrit dans ce registre-là qu'on voulait parler au gouvernement pour une participation financière au projet de complexe communautaire et sportif. On ne dit pas une participation juste pour le stade. Dans le libellé, là, on parle du stade, mais ce n'est pas que pour ça. Mais d'un autre côté, là, c'est une inscription qui est obligatoire pour les gens qui veulent s'adresser aux différents paliers de gouvernement. Ben c'est de s'inscrire au registre des lobbyistes, c'est ça? Oui, bien, il était déjà inscrit, le groupe de OK, Bronfman. Il OK. y avait Steven Bronfman et Pierre Boivin qui étaient inscrits. Là, ils ont ajouté William Yeager, qui est leur comptable, là. C'est grossier de décrire son poste juste comme comptable, mais en gros, c'est ça qu'il fait. C'est lui qui, depuis plusieurs mois, se rend souvent à Tampa Bay pour vérifier les livres comptables des Rays. Alors, il est en pleine connaissance du dossier financier de tout ça, de tout ce projet-là. Et puis, tu as Richard Epstein, qui est l'avocat du groupe qui travaille pour BCF Avocat, qui est un partenaire chez BCF Avocat. Alors, ça, ils ont ajouté ces deux personnes-là au groupe. Ça veut dire que ces quatre personnes-là peuvent maintenant s'adresser aux différents ministères qui ont été identifiés. Ministère de l'Innovation, ministère des Finances, je crois, ou de l'Économie, je ne me rappelle pas précisément. Puis le bureau du premier ministre, le conseil exécutif qui, dans le fond, relève du bureau du premier ministre. C'est ça la nouveauté. Ils vont demander une participation financière au gouvernement. Mais participation financière, là, ça peut dire donne-moi de l'argent en cash que tu ne reverras jamais. Puis ça peut aussi dire est-ce qu'il y a des programmes qui existent que je ne connais pas, qui me permettrait de De rentrer financer là-dedans, une partie de mon effectivement. projet. Mais entre ces deux extrêmes-là, là, entre des programmes pour m'aider à financer, puis de l'argent que tu vas me donner, puis que tu ne reverras pas, il y a toute une palette de programmes et de demandes qui peuvent être faites. Et effectivement, Michael Fortier a bien raison. On ne sait pas c'est quoi exactement les demandes de Steven Bronfman et son groupe. On ne sait pas le pourcentage ou le montant de financement qui serait nécessaire. Puis d'un autre côté, là, qu'il y ait un stade de baseball ou qu'il n'y en ait pas, Devimco, qui est le promoteur immobilier, qui est partenaire de Claridge et de Bronfman dans l'achat du secteur, là, du terrain au bassin Wellington, eux autres aussi vont demander des allègements fiscaux, puis ils vont demander c'est quoi tous les programmes possibles pour construire du résidentiel, du commercial, de l'hôtel, du bureau, c'est pas extraordinaire ce qu'on voit là. Madame. Et là, bien évidemment, déjà, on a vu les épouvantails qui sont sortis tout de suite. On a On est tout de suite vite fait le là-dessus, lien hein? entre financement de stade ou salaire des infirmières, des enseignants et des employés de la fonction publique. L'équation ne peut pas être faite comme ça, là. Si le fait de ne pas financer un stade ou un aréna équivalait à des meilleures conditions dans le secteur public, là, ben, les infirmières seraient plus obligées de faire du temps supplémentaire obligatoire depuis le départ des Nordiques, puis avec le départ des expos, là, les professeurs, puis les écoles seraient. Les profs auraient toutes des meilleures conditions, puis les profs seraient toutes rénovés. Il n'y aurait plus de cours d'école en asphalte nulle part. Fait que c'est pas vrai, là. L'équation, ça ne va pas comme ça. Mais on est vite là-dessus, hein? On est très, Ben, très vite. ça fait peur au monde, puis ça marche, puis c'est une image qui frappe, mais c'est Ben, pas c'est parce vrai que que. c'est financé des millionnaires, des milliardaires. C'est souvent ça le mot. Mais je le dis toujours, moi, Mike Trout, le 400 millions, il va le faire. Qu'il soit à Montréal, qu'il soit à Tampa Bay, qu'il soit à Tokyo, il va le faire. Où est-ce qu'il. J'aime autant Ça n'a qu'il le aucun fasse à rapport, le Montréal. financement des gouvernements puis le salaire des athlètes ou des comédiens ou des acteurs ou des musiciens, des chanteurs. Ça n'a aucun rapport. puis c'est toutes des entreprises qui sont financées par le gouvernement. Oui, effectivement. Jérémy Filosa dit depuis lundi qu'il va y avoir une annonce importante concernant le retour des expos d'ici le début des matchs de la saison régulière. Est-ce que tu as eu des nouvelles là-dessus? Oh, ben, c'était vraiment ça, c'est sa nouvelle à lui. Je n'ai pas parlé à Jérémy. Je ne sais pas s'il faisait référence justement à la nouvelle inscription dans le registre des lobbyistes ou s'il y avait autre chose à ce niveau-là. Je sais que du côté de Tampa Bay, on a de nouveau les gens des Rays, là, Stuart Sternberg en tête, encensé le travail effectué par le groupe à Montréal et à quel point le projet avançait. Ça va pas bien à Tampa Bay, ça va moins bien. Hein? Je ne sais pas si ça va moins bien, honnêtement. Là, on dirait que Sternberg est en train de diviser le conseil municipal. Là, il y a des gens qui voudraient rediscuter avec les Rays du projet. On a-tu bien compris ce que les Rays voulaient leur présenter? Je suis pas prêt à dire que ça va moins bien. Je ne sais pas. On dirait que le cabinet de Rick Kreisman, qui est le maire de Saint-Pete, avait la situation bien en main. Il avait une position claire et ferme que tout le monde suivait. Là, j'ai l'impression que le bateau commence à prendre l'eau, là, qu'il y a des opinions divergentes au sein de son parti. Oui. Qu'est-ce que la suite des choses pour toi? C'est-tu l'achat du terrain? Bien, il faut que ça passe par là. À un moment donné, c'est le premier jalon de toute cette histoire-là. Il faut avoir un terrain pour bâtir n'importe quoi. Même s'il n'y a pas de stade, ils veulent développer un quartier, il faut qu'ils puissent le développer, ce quartier-là. Alors, c'est à ce moment-là, si tu n'as pas de terrain, il n'y a rien qui se passe. Ces terrains-là appartiennent à la Société immobilière du Canada, qui est une société de la couronne, société fédérale. Mm. Et depuis un an, tout est pas mal gelé. Il n'y a pas beaucoup de transactions qui ont été effectuées à ce niveau-là. Alors, il faudra voir qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Mais oui, la prochaine étape, c'est ça. Mais l'année passée, à peu près à la même date, on s'était parlé, Danny, parce que j'avais parlé avec Steven Bronfman qui m'avait dit « Cette année, c'est notre année, on a assez parlé. » Là, à cause de la pandémie, tout a été, évidemment, est tombé à l'eau. Et puis, il y a un mois à peu près, Pierre Boivin a été l'invité du podcast « La poche bleue » de Guillaume Latendresse et Max Lapierre. Puis, il leur a dit, il n'a pas dit grand-chose, mais il a fini son intervention sur le retour du baseball de façon bien intéressante en disant en 2021, c'est make or break. Il faut qu'il se passe de quoi quelque chose cette année où make or break, c'est gros. Là. Ça veut dire le projet continue ou bien le projet est arrêté complètement. Ouais. Alors, c'est évident qu'on est déjà rendu presque au mois d'avril, là, au moment où on se parle. Ces gens-là, là, ils ne planifient pas à petite semaine, ils planifient des mois, des années d'avance. Fait que j'imagine qu'on est sur le point, s'il y a quelque chose à se passer, on est sur le point d'en apprendre plus. Roger Brutt l'a dit dans le Journal de Montréal, puis il me l'a dit en ondes aussi dans le Radio Sport. Il a dit construction du stade 2023 et premier match 2025. Est-ce que tu trouves que c'est vite ou c'est pas vite? Parce qu'il faut savoir que les Rays, plus le bail finit en 2027, par contre, plus on approche de la fin du bail, moins ça coûte cher pour casser le bail aussi. Là. C'est sûr que la pénalité est moins grosse avec chaque jour qui part. Pour le point que Roger t'amène, construction 2023, début des matchs en 2025, moi, je trouve que c'est un calendrier qui est très raisonnable. Regarde, disons qu'on est le 1er avril, il reste 8 mois 2021. Ça fait 20 mois, ça, 2020, avant qu'on arrive en 2023. Bien, le temps d'acheter les terrains, de planifier le développement, savoir où est-ce qu'on va mettre le stade, est-ce qu'on a besoin de bouger les plans du REM aussi, c'est assez proche du stade pour qu'il soit desservi. Au niveau municipal, la planification de toutes les infrastructures, là, les rues, les trottoirs, les lampadaires, les feux de circulation, comment est-ce qu'on va aller, les parcs, où est-ce qu'ils vont être placés, etc. Je pense que 20 mois, c'est pas un très long délai, parce que là, une fois qu'on va avoir acheté les terrains et qu'on va avoir fait tout ça, ça va prendre des plans. Je suis certain qu'il y a déjà des plans. On dit que la maquette est déjà prête. La maquette, il y a du monde qui va être entièrement prête. Okay. Tant que tu ne sais pas exactement la dimension du terrain, la topographie que tu vas avoir, est-ce qu'il y a un dénivelé dans le terrain, est-ce qu'il y a du remblaiement à faire, quel genre de sous-sol il y a en dessous, c'est le genre de truc que les architectes doivent attendre, mais c'est certain qu'ils doivent avoir fait des propositions au groupe de Montréal. Ils doivent avoir, c'est Populus à Kansas City qui va être l'architecte s'il y a projet de stade. C'est certain. Puis eux autres, ils ont fait 22 des 30 stades du baseball majeur. En passant, ils savent un peu de quoi ils parlent, là, dont celui des Twins au Minnesota. OK. Qui ressemble beaucoup à Montréal, la température. Mais la température, puis la grosseur du stade un peu, puis je pense l'enclavement, où est-ce qu'il est placé entre une autoroute puis des quartiers, puis tout ça. Alors, tu sais, cette compagnie-là a sûrement fait des propositions, mais là, il faut qu'elle arrive avec du concret puis des vrais plans d'architecte, pas juste des maquettes puis des croquis. Non, non, non, effectivement. Fred, un gros, gros merci. On va suivre le dossier de près. J'ai l'impression qu'il va y avoir des développements tout au long de l'été. On va en entendre parler encore une fois. Il y a juste une demande, puis comme Michael Fortier dit, on ne sait même pas la demande, puis déjà, ça a paniqué Exact. Hey, ça fait 8 ans déjà que ce dossier-là est dans l'actualité, hein. La 2012. conférence de presse de Cromarty, c'est ça, c'était décembre 2012, tout Oui, ça, ou... oui, oui. Ben, ça avait commencé en 2011 quand Roger Brulotte avait dit en ondes un mois de juillet. Il avait lancé ça. Il avait dit à l'époque, il travaillait, il remplaçait Ron Fournier, puis il avait dit baseball à Montréal. Il y a un groupe d'hommes d'affaires qui sont sérieux pour ramener le baseball. Puis on avait tous parti à rire. Ben, finalement, ben, il n'y avait pas tort. Hein? Non, Tout mais en tout Roger cas, a des entrées. il n'y a pas tort, mais bien honnêtement, là, moi, je commence à avoir hâte Ben. qu'on sache où on s'en va. Ben, Je effectivement. ne suis pas un gars super patient, puis des dossiers travaillés sur 8 ans, Ah, c'est le fun, là, mais ça commence à être long. ouais. Ben, on a hâte d'avoir. Moi, je pensais que ça allait se faire en 2020. Je pensais que les premiers matchs allaient être 2020, mais on est là, puis ça avance pas plus. Non, exact. Fred, on s'en reparle bientôt. Merci Notre beaucoup, ami Danny. Frédéric Degg de la presse canadienne.